Mosaïque. Bonjour à toutes et tous, amis fidèles auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Les Burundais sont en train de parachever le programme électoral pour l'année en cours, 2020. Après les élections présidentielles, législatives et communales le 20 mai, les sénatoriales le 24 juillet, c'est le tour des élections des chefs collinaires et de quartier qui sont prévues pour le 24 août courant. La liste définitive des candidats devrait avoir eu lieu le 24 juillet, à en croire le calendrier électoral établi par la Commission électorale nationale indépendante. Les articles 169 et suivants jusqu'à 181 du Code électoral parlent de l'élection des conseils des collines ou de quartier et des chefs de colline ou de quartier. Tous les candidats se présentent à titre indépendant. L'article 170 est clair à ce point. 5 membres seront alors élus sur chaque colline ou quartier. Élections collinaires et de quartier, quelles sont les opportunités, les enjeux, les défis, mais aussi quelles seraient les perspectives? 4 invités sont avec nous sur le plateau. Honorable Martin Niteletse, sénateur, vous êtes aussi le président de la BELO, Association burundaise des élus locaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour et je vous remercie. Honorable Léopold Hakizimana, vous représentez ici le parti CNL, Congrès national pour la liberté. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je vous remercie, monsieur le journaliste. Adrien Sibomana, vous êtes le président du Conseil national des Washingtonais. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de nous avoir invités. Et puis nous sommes avec vous, Rémi Hafzalimana, vous êtes de la maison Lueur d'Espoir. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. La mise en onde est assurée par Eric Ouimana. Renaud Nyongheza est ici pour la prise d'image, réalisation de Jérôme Nyonzima et au micro, Léon Sebitadiho. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La première question, je vais l'adresser à vous, honorable Martin Niteletse, qui doit être candidat, chef ou conseiller à l'élection collinaire ou de quartier. Quand est-ce qu'une candidature peut être rejetée? Merci beaucoup de la question. Nous avons des directives qui sont données par la CENI, mais on doit se référer principalement à la loi électorale et aussi à la loi communale. Mmh. À l'article 44 de la loi du code, électoral, la loi communale, l'administration communale. Il est énoncé les conditions d'éligibilité pour être membre du conseil collinaire ou de quartier. Je cite, le candidat membre du conseil de colline ou de quartier doit être de nationalité burundaise, être légalement domicilié dans la colline ou dans le quartier. 3. Avoir 25 ans révolus au moment de l'élection. 4. Jouir d'une moralité et d'une intégralité irréprochable dans l'entourage et y résider en permanence. 5. Et enfin, être possesseur d'une carte d'électeur ou enrôlé comme électeur. Donc, ce sont les 5 conditions d'éligibilité. Lorsque tu ne remplis aucune de ces conditions, tu es éliminé d'office. Donc, première condition, être de nationalité burundaise. Si tu n'es pas de nationalité burundaise, tu ne peux pas poser ta candidature. Ils sont en tout cas tous des Burundais, les candidats. Oui, les candidats, espérons. Oui. Ah oui. Être légalement domicilié dans la colline ou dans le quartier. Tu peux être natif ou ressortissant d'une colline ou d'un quartier, mais ne pas y résider. Donc, ils doivent chercher des voies chez eux. Ah oui. Dans ça, ils sont liés de résidence, domicile. Alors, 3, avoir 25 ans. Si tu n'as pas 25 ans révolus au moment de l'élection, tu ne peux pas être candidat. 4, jouer d'une moralité et d'une intégrité irréprochable dans l'entourage, y résider en permanence. Il y a 3 conditions là. Et jouer d'une moralité irréprochable. Et il faut être intègre. Donc, oui, il faut être intègre et avoir une moralité irréprochable dans l'entourage. C'est-à-dire sur la même colline ou dans le même quartier. Quelle est cette astuce pour déterminer si quelqu'un jouit d'une moralité irréprochable, pour détecter si quelqu'un est intègre. C'est comment déterminer? Comment déterminer? Si par exemple quelqu'un porte sa candidature, mm-hmm. alors que derrière lui il y a clameur publique, par exemple qu'il est voleur, mm-hmm. qu'il est violeur de femmes ou de filles, de jeunes filles, mm-hmm. ou d'autres actes irréprochables plutôt, mm-hmm. il ne peut pas être candidat. La moralité est établie par l'entourage. Mm-hmm. Et oui. Il y a cet article 170 du code électoral qui dit que les candidats doivent se présenter à titre indépendant. Il ne faut pas qu'ils représentent des partis politiques. Ça, c'est une particularité par rapport aux autres scrutins. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'au niveau des élections présidentielles. Présidentielles, législatives, sénatoriales, communales. Mm-hmm. On se présente généralement sur une liste électorale. Mm-hmm. Et généralement, la liste est bloquée. Mm-hmm. Mais pour ce cas-là, c'est une particularité parce que les élections au niveau collinaire, on se présente individuellement. Mm-hmm. On n'a pas droit de présenter une liste électorale. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ces candidats sont membres de partis politiques, mais se présentent à titre indépendant? Mais ils peuvent être membres mm-hmm. de partis politiques. Mm-hmm. Tout comme nous ne peuvent pas être membres de partis politiques. Pourquoi? Parce que même quelqu'un de l'association, par exemple, quelqu'un du scout, par exemple, quelqu'un d'un chorar quelque part, mm-hmm. peut porter sa candidature sans toutefois présenter au préalable son étiquette d'être scout ou son étiquette d'être membre d'un chorar quelque part. Et vous pouvez détecter si aujourd'hui il peut y avoir des candidats membres du parti CNDD, FDD au pouvoir, à majorité, c'est ça? Mais c'est libre, lorsqu'il le verra ainsi. Mais tout individu, tout citoyen qui remplit ces conditions qui sont énoncées à l'article 44 peut porter sa candidature, c'est libre. Oui. Honorable Léopold Hakizimana du parti CNL, est-ce qu'il y aurait des membres du parti CNL candidats au conseil collinaire ou de quartier? Bon, merci de me poser cette question. Je voudrais d'abord m'apesantir sur les conditions d'éligibilité pour un membre, pour quelqu'un qui va diriger la colline ou le quartier. Mm-hmm. Je vois que la nationalité burundaise, c'est bon. Domicilié sur la colline ou le quartier, ça c'est bon. 25 ans révolus, ça c'est bon. Moralité, intégrité, je mets point d'interrogation. Moralité, intégrité, point d'interrogation. Pourquoi? Parce que cette machine ou cette personne pour mesurer la moralité et l'intégrité d'une personne. Mm-hmm. Plutôt, ce sont les électeurs qui devraient mesurer cette moralité et cette intégrité en votant pour ou contre cette personne-là. Les électeurs, et quelle serait la place de la CENI et de ses démembrements? Je vais dire oui, ici, je dis la CECI surtout, Commission pourquoi, électorale communale indépendante. Il y a quelque chose pourquoi je dis ça. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous pouvez vous informer sur terrain. La plupart des personnes qui se sont fait candidats pour les élections du quartier ou collinaire, s'ils ne sont pas attachés ou connus, parce que même si on dit qu'il s'agit des indépendants, tout le monde connaît tout le monde. On sait à quel parti vous appartenez. Je vous dirais que dans la plupart des communes, les candidats appartenant au parti CNL, même s'ils se présentent comme des indépendants, ils ont été refusés d'être candidat, d'être retenu comme candidat. J'imagine que peut-être on s'est caché derrière ce critère de moralité et d'intégrité qu'il s'agit d'un critère difficile à appliquer. Pourquoi? Parce que ça dépendrait de quelqu'un qui apprécie. Mm-hmm. Du reste, je dirais que la loi est claire. La loi dit qu'il faut se présenter comme des indépendants. Mais vous le savez, il s'agit des membres des partis politiques à part entière, mais qui se présentent effectivement à titre d'indépendants parce que le parti ne s'intègre pas. Mais nous regrettons fortement que Est-ce que vous pouvez affirmer que les partis ne s'immiscent pas dans ces dossiers de candidature? Du moins, d'une façon directe ou à travers la loi, les partis ne s'immiscent pas. Mais dans la pratique, les partis s'immiscent parce que vous allez voir que sur le terrain, beaucoup de candidats qui n'appartiennent pas au parti au pouvoir sont chassés sur les listes, ils ont été refusés. Les autres ont été même subis des menaces, je dirais. Il y a des exemples, peut-être je le dirai ici, même à Mairie de Bujumbura, dans la zone de Butere, vous le savez. Il y a des gens qui ont été emprisonnés parce qu'ils étaient des candidats. Ils ont été emprisonnés, ils ont été chassés. Chassés, marmenés, ainsi de suite. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'on savait qu'ils n'appartiennent pas au parti au pouvoir. C'est pour vous dire que, indépendant ou non, mm-hmm. même si on dit qu'on doit se présenter comme des indépendants, j'en suis certain que les partis jouent un grand rôle. Quel serait le rôle que aurait joué le parti CNL, ou qu'est-ce qu'il est en train de jouer comme rôle, votre parti, le CNL? Bon, notre parti, ce n'est qu'encourager les personnes de se porter comme candidat, ce n'est que ça. Mm-hmm. On a encouragé les gens, mm-hmm. nos membres, à partout ailleurs, où ceux qui ne sont pas normaux, de se présenter candidat parce que être responsable sur la colline, c'est un devoir civique. On devrait encourager les gens de se présenter. Mais malheureusement, mm-hmm. la plupart de ces gens-là ont été refusés, été retirés sur les listes par les services de la CNL. Et ce que vous dites qu'ils ont été chassés ou emprisonnés, serait-il du parti CNL ou serait-il neutre par rapport au parti politique? Je ne crois pas que neutre ou pas. Moi, je dis franchement que je dis ce que je sais. Nos membres ont été, dans la plupart des coins, des localités, chassés sur les listes et les autres ont été emprisonnés. Un exemple, il y a trois personnes. Est-ce que vous pouvez énumérer certains coins? Je peux donner un exemple. Un coin où ils ont été chassés. D'ici, ici, dans la zone de Boutel, il y a trois candidats qui sont emprisonnés. Accusés. Aujourd'hui? Aujourd'hui, ils sont en prison, accusés de port d'armes. Mais si on analyse profondément, ce sont des traitements, c'était des choses pratiquement qui étaient organisées pour les empêcher de se présenter comme candidat, parce que probablement qu'ils portaient la potentialité de gagner ces élections. C'est le même point chez vous, Monsieur Rémi Hafzalimana, de la maison Lueur d'Espoir. Ils sont neutres par rapport aux partis politiques ou ils sont des partis politiques? Les représentants des partis CNL, SNDD, FDD ici présents disent qu'ils peuvent être membres de partis politiques, mais ils se présentent comme étant neutres, ils se présentent à titre indépendant. Merci de la question et me permettez d'abord que je revienne un peu sur peut-être l'importance qui est un peu mise sur cette étape cruciale pour peut-être la fin du processus électoral. Accepter que je dise que lorsque j'observe le début du processus, on voit qu'il y a vraiment un engagement assez important, l'implication très importante de la part du gouvernement, des autorités justement, et aussi, probablement aussi, des candidats à grand, disons, au niveau supérieur, pour que tout le monde soit impliqué dans le processus. Mais lorsqu'il s'agit de cette étape, qui pour moi est très cruciale, parce que justement les conséquences sont celles qui sont de la proximité de la population, là nous sentons un peu de relâchement, tellement que plusieurs avaient presque déjà oublié qu'il y a une étape d'électorat qui est en cours. Donc, lorsque finalement on a dit que la date approche, plusieurs se sont dit, tiens, il y a encore à faire. Ça, c'est pour dire que l'importance n'a pas été mise sur les explications de la population ou de l'électorat pour qu'ils comprennent que finalement, le tout devrait être investi à ce niveau parce que finalement, vu le rôle qui revient à ces personnalités qui vont diriger d'une façon, je dirais, rapprocher la population, résoudre les différents conflits, aider même dans la planification pratique du développement, c'est finalement ces personnes-là. Malheureusement, peu savent ce qui se passe. Peu savent comment ce qui vient d'être dit comme critère. Probablement que ceux qui veulent se porter candidat le savent, parce que justement, l'intérêt est là. Mais est-ce que ces conditions sont connues par l'électorat maintenant? Je ne serais pas surpris si l'adhésion ou l'effectif de ceux qui vont se présenter le jour pour élire soit tellement inférieur, s'il faut comparer à ce qui s'est passé, qui s'est déjà passé. Vous parlez d'un certain relâchement, donc pas d'engouement pour cette dernière étape des élections de cette année 2020. Pourquoi, selon vous, pourquoi ce relâchement? La population burundaise est de culture d'oralité. On a vu en tout cas que le 20 mai, il y avait un engouement. Justement parce que tous les mécanismes, tous les systèmes de communication étaient engagés justement pour sensibiliser, expliquer, justement parce que peut-être à ce moment-là, ceux qui étaient candidats avaient une portée assez importante pour justement faire savoir ce qu'ils veulent pour se faire connaître aussi. Mais tout le mécanisme de communication était engagé à cette époque. Mmh. Mais s'il faut voir ce qui se fait effectivement aujourd'hui, c'est ce constat malheureux que la majorité de la population se retrouve surpris lorsque elle entend qu'il y a encore une étape d'électorat qui est là et qui les attend. Vous comprenez donc que lorsqu'ils sont surpris, c'est-à-dire que l'engagement laisse à désirer aussi. Mmh. C'est-à-dire que l'adhésion n'est pas là. C'est-à-dire que les interrogations qui devraient être posées et recevoir des réponses pour que, justement, on élise en sachant pourquoi on élit et qui on doit élire. Là, c'est encore des questions qui, pour moi, ne trouvent pas encore de réponse, alors que c'est justement ces personnes-là qui devraient répondre aux questions précises de la population parce qu'ils sont dans la proximité. Est-ce qu'ils sont ou pas des partis politiques ? Là, les candidats. Je crois que je devais rejoindre le représentant du CNL qui dit que, au point de vue légal ou théoriquement, s'il faut le citer, ils y sont indépendants. Mais pratiquement, là, c'est autre chose parce que encore que c'est pas interdit. Donc c'est pas c'est interdit. Pas interdit que quelqu'un de parti politique. Exact. Là où le bras baisse, c'est au cas où effectivement ces partis venaient pour, j'allais dire, perturber le bon déroulement de cet indépendant lorsqu'il il poursuit son processus pour l'électorat. Et quel serait le point de vue du Mushinganahe, Adrien Siomana? Vous représentez ici le Conseil national des Washinganahe. Oui, merci. Je pense que d'abord, ce sont des élections très importantes, puisque c'est par là, à la base que se trouvent vraiment les racines de la paix, les racines du développement. Donc, ce sont des élections importantes. C'est pour cela, d'ailleurs, que dans la Constitution, ils ont mis un article qui précise bien que ces élections ne se font pas sur base des partis politiques, mais que les gens se présentent comme indépendants, c'est-à-dire en ne brandissant pas leurs origines politiques ou leurs croyances politiques. Ça serait donc triste si on en empêchait à des gens intègres, pour une raison quelconque, de se faire élire, alors que probablement les gens les aiment mieux ou les préfèrent mieux que ceux-là qui leur seraient imposés. J'ai bien utilisé le mot « serait ». Ça serait triste et en ce moment-là, ça serait un échec. Mais ça peut exister. Bah, écoutez, la nature humaine n'est jamais porteuse de perfection. Ça peut exister. C'est pour cela que je dis, si ça existe quelque part, ça serait triste, ça serait pas une bonne chose, ça serait pas bon pour les citoyens, ça ne serait même pas dans l'intérêt des gens de la colline, parce que ce dont ils ont besoin, ce n'est pas quelqu'un de tel ou de tel parti politique, mais c'est quelqu'un qui répond à leurs besoins journaliers, à quelqu'un à qui ils peuvent s'adresser facilement, ou mot vieille, comme dit d'ailleurs le mot, les temps vieilles. Finalement, c'est le gouvernement local. Et là, on peut aussi parler de C'est un gouvernement local, c'est une élection locale. Les gens vont élire ceux qu'ils côtoient au quotidien. Mais selon vous, pourquoi est-ce qu'on a placé, la CENI a placé cette élection en dernier lieu? Ça, c'est... Ça va coiffer le processus. Je ne saurais pas dire pourquoi. Peut-être qu'il n'y a même pas d'explication. Mais dans tous les cas, en dernier lieu ou pas, ce sont des élections importantes. Maintenant, il faut aller demander à la CENI. Bon, il y a des opinions qui disaient après le rendez-vous du 20 mai dernier que les élections, c'est fini. La présidentielle, les législatives et les communales, avec ça, en tout cas, les élections, c'est fini. Oui, remarquez qu'on aurait même pu les faire toutes ensemble, en même temps, pourquoi pas. C'est ce que l'honorable Léopold a dit, ça me trouble un peu. Je suis vraiment étonné qu'il y ait encore des histoires pareilles dans un processus démocratique. qu'il y ait des emprisonnements, des arrestations de ceux qui soient chassés. Oui, oui. Quand vous lisez vraiment notre constitution, elle est extraordinaire. Si vous allez voir comment il faut... c'est les libertés des gens, si vous allez voir comment elle est vraiment écrite, je pense que ça doit être une des meilleures. Si vous considérez, par exemple, l'état de droit, les libertés des personnes, les équilibres, et c'est normal parce que nous l'avons préparé après une guerre, après une longue guerre. Souvenez-vous que depuis 1993 jusqu'en 2005, même légèrement au-delà, nous étions en période de troubles, de guerre. Bon, c'est là où l'essentiel de la Constitution a été réfléchi, les accords d'Arusha et tout ce qu'on en a dit. Alors, il faudrait l'appliquer intégralement et ça, c'est le devoir du gouvernement. Et une petite question avant que l'on passe le micro à quelqu'un d'autre ici. Quels seraient les enjeux? Ce sera peut-être une question commune pour tout le plateau. Quels seraient les enjeux par rapport à ces élections du 24 août prochain? Eh bien, les enjeux sont très clairs. Hein. Si on rate une élection pareille, qu'on ne met pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut, en ce moment-là, tout le programme du gouvernement ne sera pas réalisé correctement puisqu'ils n'auront personne Donc ça peut avoir des impacts négatifs ou positifs aux activités du gouvernement. Si ce sont des gens incompétents ou si ce sont des gens qui ne sont pas aimés par ceux qui les ont élus puisque, bon, on leur a présenté des candidats pas nécessairement qu'ils auraient préféré puisqu'ils les connaissent. Ils connaissent les compétences, ils connaissent les capacités, l'intégrité des uns et des autres. Donc, ce qu'on veut de ces gens, c'est primordial, la paix à la base, le développement à la base, la sécurité, l'éducation, tout ce qui bâtit le pays se trouve là. Des enjeux, honorable Martin Niteletse, vous êtes de l'association, présidente d'une association comme Abello, c'est pas rien. Merci, merci. Mais avant d'aller aux enjeux, permettez-moi de jeter un petit mot sur l'intervention de mon ami honorable Léopold Dissenel. Pourquoi? Parce qu'il a dit que vous n'êtes pas membre du parti au pouvoir, vous êtes chassé, vous êtes arrêté, emprisonné. Oui. C'est ça. Je voulais faire un petit commentaire par rapport à cette intervention. Il dit que les gens se sont vus refuser de figurer sur la liste électorale. Du fait qu'ils ne sont pas du parti CNDD-FDD. Mais ils devraient faire recours auprès de la CEPI. Ils ont fait les recours. Ils ont fait les recours. Est-ce qu'ils peuvent faire recours alors qu'ils sont... Ils ont fait les recours. Mais rien n'a été fait. Non, non. D'abord, le Rofi. Le Rofi, tu n'es pas emprisonné. Tu n'es pas emprisonné, tu es libre, tu fais recours. J'ai parlé de Rofi, j'ai parlé d'emprisonnement. Alors, je suis d'abord sur le point de Rofi. Menaces, ainsi de suite, le Rofi, tu fais recours. Auprès de la CEPI. La CEPI tranche. Je ne pense pas qu'au niveau de ceci et de CEPI, ce ne sont pas les membres de CNDFDD qui composent ces structures-là. Non, non, je ne pense pas. Ça, on en convient. Alors, question de gens qui ont été emprisonnés. Est-ce que le motif d'emprisonnement, on a motivé l'emprisonnement, c'est parce que tu as porté ta candidature n'étant pas du CNDFDD? Je pense non. Je pense que vous avez suivi sur les réseaux sociaux hier. Vers 10h comme ça, on nous a rapporté que côté Mutimbuzi, on a tiré une grenade dans des petits-enfants qui jouaient. Il y en a qui sont morts. Mais si celui qui a tiré ce grenade à ces enfants-là, soit du CNR, par exemple, et se porte candidat, et il est emprisonné, on dira on a emprisonné un candidat, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui est un malfrat, il doit être poursuivi. Monsieur Martin, c'est ça ce qu'on a dit. Je dois vous dire que je le dis parce que je sais que même la justice aussi, il faut le traiter avec entre guillemets. Vous êtes de Kayanza. Vous savez qu'au moment des élections, le procureur général de la République a émis une liste d'une trentaine de personnes, des candidats aux élections parlementaires et collinaires. C'est pas rappelé que la Cour constitutionnelle a déclaré du Nord et de cette liste. C'est ça la justice. C'était le procureur général de la République. Alors, c'est ça la justice. Ils ont fait recours jusqu'au dernier degré. C'est pour vous dire que même ce que la justice a fait, on peut avoir une critique envers. Oui. Ce n'est pas parce que c'est la justice qui a été que tout est normal, tout est fait. Tout n'est pas normal, mais ils n'ont pas globalisé. Je ne globalise pas. Pourquoi? Parce que si vous parlez. Je n'ai pas parlé de tout le pays. Qui ont été emprisonnés. Parce qu'ils ont porté le candidature au niveau du quartier ou de la commune. Vraiment, tout le monde. Mais ce n'est pas vrai. Je doute, Comment se fait-il dans un seul quartier? Honorable Martin, est-ce qu'il y en aurait parmi ceux qui sont mis en prison des membres du CNDD-FDD, le parti au pouvoir? Qui figurait sur les listes des électeurs? Je n'ai pas fait l'enquête. Est-ce que les membres du CNDD-FDD sont tous des saints? Tandis que les gens du CNL sont de... Je ne sais pas. Et vous, de votre côté, honorable Léopold, est-ce que tous ceux qui sont mis en prison, tous ceux qui sont chassés, est-ce qu'ils sont des membres du parti CNL? Je ne dis pas tous. Moi, je suis ici pour représenter le CNL. Je parle de gens, des membres du CNL. Je peux vous donner même un exemple dans ma commune où je suis né. Il connaît ma commune. Il connaît. Parce qu'on se connaît. Donc vous connaissez. Presque toutes les personnes, je te dis toutes les personnes qui se sont portées candidats. Même sur ma colline, je suis un élu, même sur ma colline, ils ont été chassés de la liste, refusés. On a fait les recours au sein de la CEPI, refusés jusqu'à présent. C'est pour vous dire qu'on va parler des enjeux. Ce sont des élections extrêmement importantes. Mais je regrette que les gens qui seront élus malgré, il y a risque de ne pas des enjeux. Mais... vous pouvez y aller directement, Martin, avec des enjeux. Parlez des enjeux. Je parlais, oui, c'est aussi des enjeux. Pourquoi? Parce que si on passe une mauvaise base, on ne va pas arriver à une conclusion meilleure. Mais j'ose croire que la bonne base, ce ne sera pas seulement des membres du CNDD FDD qui se portent candidats. Je réplique, non, ce n'est pas les membres du CNDD FDD. Pourquoi? Parce que le CNDD FDD... Je parle de ce que dit l'honorable Léopold. Le CNDD n'a aligné personne. Les gens se sont portés candidats à titre individuel. Et vous savez que le parti n'a aligné personne. Monde. Oui. Je pense que s'ils sont prêts là, je pense qu'on est bien. On n'est pas dérangé pour autant. Sauf mon ami Léopold qui dit que ses amis, je dirais ses amis. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les CNL, les membres des CNL au niveau des élections collinaires. On ne peut pas brandir la carte. Quoi qu'il en soit, il y a M. Adrien Siwomana qui dit qu'il ne faut pas rater cette occasion. Oui, mais il ne faut pas brandir la carte du parti aux élections collinaires. C'est ça la différence avec les autres élections. C'est ça la grande différence. Ils nous ont dit que... Mais c'est ça. Comment on va réaliser le programme qui a été annoncé par le chef de l'État au niveau colline? Ce sont ces personnes-là qui vont aider l'administration communale et l'administration provinciale dans la mise en œuvre du programme du chef de l'État. Alors, vous avez parlé des enjeux. Je vous en renvoie à l'article 45. De la loi portée à l'administration communale, les missions principales. Sous la supervision d'un chef de colline ou de quartier, le conseil de colline ou de quartier a pour mission 1. De fixer en concertation avec l'administrateur communal les mesures et conditions de réalisation des actions de développement et de sauvegarde de la paix sociale sur la colline ou dans le quartier. 2. D'assurer sur la colline et au sein du quartier l'arbitrage, la médiation, la conciliation ainsi que le règlement des conflits de voisinage. 3. De donner des avis sur toutes les questions concernant la colline ou le quartier et enfin de suivre au nom de la population la gestion des affaires de la colline ou du quartier. C'est tout l'avis de la colline. Un grand rôle au niveau qui est mis en jeu. Oui. C'est-à-dire quoi? On doit se choisir des personnes intègres. Des personnes intègres au niveau moral et aussi des personnes compétentes. Des personnes compétentes et dynamiques et compréhensibles aussi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Est-ce que vous avez un mot à placer, M. Rémi Habzalimana de la maison Lueur d'Espoir, des enjeux? Merci. Je vais des enjeux et même des défis. Je vais partir de ce qui est écrit, qui vient de nous être lu par honorable Martin, lorsqu'il souligne l'importance du rôle révolu finalement à ce conseil collinaire. De quartier. De quartier ou de colline. Mmh. C'est très important. En fait, c'est finalement la vie réelle des citoyens qui sont là. Et s'il faut cette fois-ci lier cela avec les critères de choix de ceux qui doivent être élus pour justement jouer ce rôle, c'est là où il faut effectivement faire en sorte que, comme je le disais tout au début, si la situation est inversée, je dis bien inversée, lorsque tout le poids est mis aux législatives, aux présidentielles, ce qui est très important, mais que finalement le poids est allégé au niveau de ces élections collinaires, finalement, il risque d'y avoir un déséquilibre aussi lors de la mise en œuvre. C'est un risque par rapport à ce que, si on se réfère à ce que vous avez dit tantôt. Exact. C'est un grand risque parce que le gouvernement a beau avoir un très grand et bon plan, le problème, la mise en œuvre, c'est à la base. En fait, il peut y avoir un déséquilibre cette fois-ci parce que les belles et bonnes mesures qui sont prises ne sont pas directement appliquées et la population n'en est pas bénéficiaire parce que tout simplement, celui qui est en train de mettre en œuvre cela n'est pas intègre, n'a pas de moralité qu'il y faut ou ne remplit pas les différents critères dont on a parlé. Alors là, c'est le premier enjeu et risque qui est là une fois que l'élection n'est pas bien menée. Deuxièmement, c'est ce problème justement qui ferait que si le problème, cette consolidation de la paix n'est pas mise, cette médiation n'est pas bien faite, s'il y a justement ces questions qui ne trouvent pas encore de réponse, lorsque nous entendons nos deux parlementaires, justement, l'un se rangea de ce côté, l'autre disant cela, ça sous-entend qu'il y a des questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Oui. Et la question est, est-ce que cette équipe qui va être mise sur pied, qui doit jouer la médiation, aura l'adhésion des deux camps, finalement, s'il y a une partie qui n'est pas contente, déjà qui n'accepte pas son médiateur. Vous comprenez donc que là aussi, il peut s'agir d'un problème dont la racine est la même. Et demain, le médiateur voudra bien jouer son rôle, mais faudrait-il que les deux belligérants, permettez le terme, acceptent sa moralité pour qu'il soit médiateur. Donc c'est aussi un autre problème qui peut surgir demain si de tels petits problèmes, je m'excuse de les qualifier de petits, ne sont pas réglés à temps. Enfin, c'est cette planification qui, cette fois-ci, devrait partir de la base vers le sommet. Parce que vous comprenez que le gouvernement pourrait bien planifier d'une façon globale à partir du sommet, mais faudrait-il qu'il y ait aussi des propositions qui proviennent de la base, compte tenu de la vie réelle et des besoins réels de la colline ou du quartier, qui soient proposés au niveau de la commune, qui remontent au niveau de la province, pour finalement rencontrer le plan gouvernemental, que finalement cette fusion revienne, comme on le dit si bien actuellement, que le développement part de la population et revient à la population. Mmh. Donc, il faut qu'il y ait vraiment cette montée de la proposition. Alors, s'il n'y a pas de cohésion au niveau de ce conseil collinaire, le risque est qu'effectivement, il n'y ait pas de fusion ou d'adhésion ou de cohérence entre les bonnes propositions du gouvernement à l'endroit de la population à la base et vice-versa. Espérons qu'il y aura plutôt une bonne cohérence. Honorable Léopold Hakizimana, des enjeux, des défis. Oui, il y a extrêmement d'enjeux sur les élections locales. Tout à l'heure, vous avez discuté, beaucoup discuté avec l'honorable Martin. Là, vous n'allez pas y revenir. Il y a extrêmement d'enjeux. C'est pourquoi peut-être le constitutionnaliste a imaginé que les élections collinaires soient d'une façon posées, d'une façon indépendante, pour éviter des influences des partis politiques. Si cela pouvait réussir comme tel, ça sera une élection type démocratique, type la démocratie grecque que nous avons étudiée dans le passé. Pourquoi? Parce que le chef collinaire, c'est bien lui le président de cette colline. Le conseil collinaire, c'est l'assemblée de cette colline, c'est le gouvernement de cette colline. Pourquoi? Parce que même si vous imaginez le pauvre paysan là, dans les coins de montagne. Est-ce qu'il a combien de chances pour rencontrer le président de la République? C'est pas possible, c'est pas facile. C'est lui qui va rencontrer, c'est bien le chef colonel, c'est-à-dire le chef du quartier, c'est lui le président, son président, c'est lui comme le dit dans le jargon, c'est pourquoi vraiment je regrette, suis réellement, on a dit, y injecter des doses politiques, des doses de partis politiques, imaginez, dans le choix des candidats. Pourquoi? Parce que c'est la population elle-même, parce que ce sont des élections de proximité, qui savent très bien qui est capable, qui il peut s'adresser, qui peut confier ses problèmes, c'est la population qui devrait sélectionner. Si la CECI ou les blanches de la CENI, le démembrement de la CENI, se sont immiscés vraiment pour chercher tel ou tel, ils auraient commis une erreur pour la nation, ils auraient commis une erreur pour la démocratie, et ça sera vraiment un échec pour la démocratie, parce que c'est la démocratie à la base. Il y a du côté de lueur d'espoir, Rémi Habzarimana qui dit qu'il craint un relâchement pour cette élection prévue le 24 août. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas tellement de relâchement, parce que la CENI est en train de publiciser cette élection. J'imagine même si l'élection est placée en dernier lieu, peut-être que c'est une décision politique. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet d'entraînement dans les élections. Probablement qu'on a pensé que parce qu'on a déjà voté le président de la République, on a déjà voté l'Assemblée nationale, déjà voté le Parlement, il faut aller toujours dans le même sens. C'est ça ce qu'on appelle effet d'entraînement. Mais si cela nous tient, j'imagine que l'élection est l'élection. Si on devrait élire des vrais leaders, des vrais bashinganars de colline, on pourrait même renverser. Même si au niveau du sommet, il y a quelque chose qui ne marche pas, ça devrait être corrigé au niveau colonial, au niveau local. Passons le micro à M. Adrien Siomana. D'un côté, il y a les chefs colinaires ou de quartier, les conseillers colinaires ou de quartier, mais aussi, il y a d'un autre côté, le conseil des bashinganars qui est représenté au niveau aussi des collines. Vous ne craignez pas un probable chevauchement entre les deux groupes, les élus et les notables, sur la colline ou dans le quartier? Oui, c'est vrai que sur chaque colline, il existe des bashinganars. La différence entre les bashinganars et les élus, c'est que les élus ont un mandat qui se termine au bout de quelques années. Mais le Mushinganda est investi. Mais le Mushinganda, il est investi à vie, sauf s'il commet des fautes graves. À ce moment-là, on l'élimine de la position de Mushinganda. Je ne connais pas de cas de chevauchement, sauf quand il y a une mauvaise gouvernance. Nous avons eu des cas où les Mushinganda étaient malmenés, on leur empêchait de trancher. Mais si des gens viennent s'adresser à vous en disant j'ai un problème avec celui-là, avec mon voisin, je voudrais que vous, messieurs, et vous, madame, vous puissiez nous réconcilier. Qu'est-ce qui devrait empêcher cela? Au contraire, il n'y a pas de chevauchement. Je pense que là où ça marche très bien, c'est là où ils collaborent et ils sont vraiment faits pour collaborer, pour travailler ensemble. Et quel serait ce genre de collaboration que vous souhaitez le moment venu? Bientôt, on va passer à l'élection de ces gens, les cinq au niveau des collines, qui vont trouver sur place la représentation du Conseil national des Bashinganars. Oui, j'aimerais d'abord vous dire que les Bashinganars ne sont pas investis s'il y a une position locale. C'est-à-dire avant de les investir, les Bashinganars, on demande à ceux qui le connaissent. D'ailleurs, c'est un peu le même esprit. Si vous habitez à Bujumbura, vous ne pouvez pas être investi Mushinganars à Kayanza, sur votre colline, sauf si localement, là où vous êtes, on vous donne une lettre vous y autorisant. Vous êtes à votre domicile, votre lieu de domiciliation. Exactement. Sinon, on est investi là où on est. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont bien connus. Les gens, les voisins les connaissent. Ils savent quelle utilité ils peuvent être pour eux. Donc je ne crois pas qu'il peut exister des chevauchements ou des entraves ou des problèmes entre eux et les élus. C'est plutôt la complémentarité qui... Sinon, de façon générale, les défis, ce sont lesquels pour ces élections collinaires ou de quartier? Les défis, évidemment, comme je l'ai dit, c'est le développement. Vous savez, quand on parle de pauvreté, c'est souvent là-bas. Ça commence au niveau local. Ça commence là même à la base. Donc, le défi, c'est le développement. Le défi, c'est la paix sociale. Et le défi, c'est vraiment le programme du gouvernement qui doit être exécuté pour ces gens-là et par ces gens-là même. Et puis, tant que vous avez le micro, il y a une autre question que je voudrais poser à tout le monde ici. Et les électeurs et les candidats sur les collines, dans les quartiers, tous sont supposés ne pas appartenir au parti politique. Ils peuvent appartenir, mais ils se présentent à titre indépendant. On peut dire que les opportunités sont lesquelles par rapport à ces élections. Vous dites il y a les opportunités pour ces candidats, les opportunités pour ces électeurs, ce sont lesquelles? Bon. Les électeurs et les candidats. Je commence par les candidats. L'opportunité, c'est qu'effectivement, même s'ils se présentent comme indépendants, s'il y a un parti qui est très implanté là, ils vont certainement le choisir, non pas parce qu'il est membre de leur parti, mais parce qu'ils le connaissent comme intègre, mais à égale intégrité et à égale... égale intégrité, égale connaissance, intelligence... Certainement, celui qui est le mieux implanté au niveau du parti sera le plus élu. Et ça, c'est normal. Et ça ne dérange personne, pourvu qu'ils choisissent une personne compétente, intègre, et tout et tout. Ça, c'est au niveau des candidats, les opportunités. Au niveau des électeurs, l'opportunité, c'est qu'ils ont maintenant la possibilité de choisir quelqu'un qui pourra vraiment les représenter. Bon, je donne un exemple. S'il y a une colline très, où un parti est très fort, mais où il n'y a pas de compétence, c'est qu'ils pourront avoir une compétence. Et d'ailleurs, à mon avis, nous n'avons pas été très bien inspirés. On aurait aussi pu dire, voilà, il faut favoriser les candidats des différentes, des partis les plus importants, par exemple, les plus forts, parce que sinon... si vous avez déjà dans seul parti sur la colline, alors qu'il y a aussi un autre parti qui est bien implanté et qu'on leur a empêché de se faire élire, je l'ai bien dit, c'est en ce moment-là qu'on a des problèmes. Je me souviens dans le temps quand il y avait le seul parti UPRONA, le parti unique, et qu'on était en début de multipartisme, eh bien, tous les chefs de colline étaient des... de l'UPRONA. Ils étaient désignés. Et désignés par le parti. Parce que c'était le parti État. En ce moment-là, ceux qui ne se sentaient pas vraiment à l'aise avec l'UPRONA, quand on les mobilisait, ils n'y allaient pas. Donc, on a commencé à avoir des obéissances civiles. On a commencé à avoir des situations. Donc, l'opportunité, c'est de choisir des gens qui vont rassembler toute la colline autour du développement, autour de la paix sociale. Donc, c'est une occasion qu'il ne faudrait pas rater. Et il faudrait surtout pas la rater. J'aurais bien de tous les côtés. De tous les côtés. Si vous êtes un bon militant d'un parti, ça ne vous empêche pas d'être un bon agent de développement. Des opportunités, honorable Martin Niteletse, et pour les candidats, et pour les électeurs. Merci. Je peux aider des opportunités, d'une part pour les électeurs et les candidats, et en fait, les opportunités pour l'administration communale ou l'administration centrale. D'abord, les opportunités pour les électeurs. Ils doivent se choisir des bonnes personnes, des gens intègres, qui sont capables de porter leur voix là où ils ne peuvent pas arriver. Alors, qui sont des rassembleurs, bien évidemment, comme le président de Bashingana l'a dit, mais aussi qui sont proches d'eux, qui sont proches de l'électorat. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être à la proximité pour écouter les désidérata de la population, de l'électorat, afin de les porter à l'échelle communale, provinciale, pourquoi pas nationale. Mmh. Ils doivent être des gens qui peuvent animer le développement et animer la paix et la cohésion sociale au sein de la colline ou du quartier. Mmh. Et aussi, ils doivent être des personnes qui peuvent être porteurs des messages de la base au sommet ou du sommet à la base. Pourquoi ? Parce qu'il y a des instructions qui viennent de la colline, de la commune, pour le développement, par exemple, communautaire. Il faut qu'il y ait de bons récepteurs de ces messages. Oui, de bons récepteurs et de bons qui puissent transmettre ce qu'ils ont entendu. Non pas, pourquoi ? Parce que, je le dis, parce qu'au niveau de la commune, nous avons ce qu'on appelle le PCDC, Plan communal de développement communautaire. Le plan communal de développement communautaire... Ça commence par la colline. Ça commence par la colline. Ce sont les gens de la colline qui se rassemblent, je dirais, les rassemblements collinaires. Les rassemblements collinaires qui sont dirigés par les chefs de colline, donc les élus collinaires, les cinq, appuyés par le comité collinaire de développement, ensemble, et ils dressent un tableau des besoins, des priorités de la colline. Alors, ce sont ces priorités-là qui sont transmises à la commune, à la commission communale, pour qu'ils puissent être traduits en projet. Ils doivent être alors à la hauteur. Ils doivent être à la hauteur de transmettre tout ce que la population locale a demandé. Et ils doivent aussi être capables de rapporter aussi. Ça, c'est un. De deux, les opportunités pour l'électeur. L'électeur, et il est satisfait lorsque celui en qui il a placé sa confiance est capable de répondre, de le représenter valablement. Donc, il faut qu'il choisisse des gens qu'il faut. Des gens qu'il faut dans la place qu'il faut. Alors, pourquoi ? Je me réfère alors à la loi aussi. À l'article 45 de la loi fixant l'administration communale, nous avons au point 3 que le conseil colonel a pour mission de donner des avis sur toutes les questions concernant la colline ou le quartier. C'est toutes les questions. Les questions sociales, la justice, la paix, la sécurité, le développement, tout ce qui est en rapport avec la vie de la population. Ils doivent s'assurer que tout va bien. Alors, pour l'autorité communale ou l'autorité centrale, j'ai vu des défis au niveau des communes. Il y a des administrations. Il y a des communes qui ne se réfèrent pas. Non. Il y a des administrations communaux qui sont presque en conflit avec certains chefs de colline. Pourquoi ? Parce qu'ils donnent des messages, les messages n'arrivent pas. Ou les invités dans des réunions, ils arrivent avec un retard d'une heure, deux heures, ils rentrent même bredouille. Alors, l'administrateur communal ou le conseil communal, il ne sait pas quel pied danser sur cette colline-là. Bon, il y a le temps qui presse. Oui, je termine. Vous avez parlé du chevauchement entre Mushinganahe et les élus. En principe, ça ne veut pas y avoir des chevauchements. Il devrait y avoir complémentarité. Les conditions édictées par la loi pour être élu, membre du conseil collinaire ou du quartier, ce sont les conditions presque énoncées par les Mushinganahe. Un vrai Mushinganahe devrait être élu au niveau collinaire et être membre du conseil collinaire, et il peut combiner les deux. C'est pas incompatible. Donc, s'il y a des Mushinganahe dans les conseils collinaires, ils vont apporter les pierres à l'édifice de la colline. S'il n'y en a pas un, peut-être qu'il y a un problème, ils n'ont pas voulu se faire élire, ou ils ne sont pas des vrais Mushinganahe, au vrai sens du terme, des vrais notables. Alors, ils vont apporter les pierres progressivement dans ces avis-là. La population tout entière est invitée, y compris les Mushinganahe eux-mêmes. Merci. Et des opportunités, honorable Léopold Hakizimana, du parti CNL, oui, des opportunités oui, qu'il y a. Avant, et vous y allez directement avec directement, un appel. J'ai un petit mot à dire. Quand vous avez rassemblé le représentant des élus et le représentant des Mushinganahe, vous avez parlé de chevauchement. Si les choses ne sont pas clarifiées, d'une façon claire, il y a un risque de chevauchement. Parce que j'ai appris des paroles du président de la République qu'il voulait, parmi son programme politique, qu'il voulait réinstaurer la justice traditionnelle, c'est-à-dire la justice des Mushinganahe à la base. Alors, il y a un risque. Est-ce que cette justice sera confiée aux élus, aux Mushinganahe, à qui ? moi-même, je soutiens qu'ils font rétablir cette justice à la base, parce que ça permettra de prendre des décisions morales. Parce que moi je suis magistrat. Je sais qu'il y a des infractions, des petites infractions, des petites affaires qui montaient chaque fois au parquet, qui montaient chaque fois dans les tribunaux, alors qu'ils devraient être traités à la base et d'une façon satisfaisante. S'il advenait que le programme de réinstaurer la justice traditionnelle sera rétabli, ça sera une solution même pour désengorger les prisons du Burundi, parce que beaucoup de gens sont emprisonnés pour des raisons inavouées. Je le dis parce que je suis magistrat. Vous et je suis quelquefois renoncé de la justice. Sur les opportunités, je dirais que il faut que les électeurs le sachent très bien. Les élus, commençons par les électeurs. Ils doivent choisir des hommes de confiance, parce que ce sont ces élus qui vont jouer le relais entre la population et l'autorité communale, ou si vous voulez, provinciale, ou au niveau national. S'il ne s'agit pas des hommes de confiance, et qui sont d'une intégrité totale, il y aura coupure entre, il y aura, je dirais, la coupure en fossé entre la population locale et les autorités au niveau supérieur. Et pour les élus, ils doivent savoir... Les candidats. Doivent savoir qu'ils devraient être des hommes rassembleurs. Ce sont des artisans de la paix sociale, ce sont les artisans de la justice, ce sont les artisans de la sécurité et du développement. Pourquoi ? Parce que même les personnes qui se sentent en sécurité sur la colline ou dans le quartier, même ceux qui croient pouvoir quitter le pays pour se réfugier dans un autre pays, ils prennent le départ sur la colline. Si le dirigeant de la colline est vraiment un homme de paix et donc est rassembleur, il devrait tranquilliser la personne ne devrait pas quitter la colline, parce que la sécurité commence sur la colline. C'est pourquoi vraiment j'insiste à ce que ce genre-là devrait être les hommes de paix. Et un appel que vous lancez aux autres. À ces personnes. Il faut que ce soit des hommes de la paix. Il ne faut pas que ce soit la paix sociale. La paix sociale, c'est la colline. Ils doivent savoir que sur la colline, il y a des personnes de diversité, de multiples diversités, qui appartiennent à de plusieurs partis politiques, qui appartiennent à des ethnies différentes. Ces hommes-là doivent être au-dessus de la mairie pour tranquilliser la population, pour que la colline ou le quartier soit une zone de paix. Parce que là où il n'y a pas de paix, il ne peut pas y avoir de développement. C'est la paix qui est la base de ce développement. C'est ça les opportunités que moi je vois. C'est le même appel. Et puis pour les autorités collinaires, oui, communales. Il y a des autorités, oui. L'administration, oui. L'administration communale, il faut garder le lien. Mais il y a aussi les partis politiques. L'administration et les partis politiques. L'administration communale devrait garder le lien entre elle et l'administration collinaire. Il ne faut pas qu'il y ait une coupure entre les deux. Il faut que tous les deux se communiquent mutuellement. Et les responsables de partis politiques? Les responsables de partis politiques, je sais que tout parti politique est inscrit dans son agenda la paix. Il faut, si un membre de mon parti est élu comme conseil collinaire ou quartier, le premier message, c'est de lui dire d'être l'artisan de la paix, comme je dois le dire pour les autres partis politiques. Rémi Havdarimana, de la maison Lueur d'Espoir. Un appel aux uns et aux autres, aux candidats, aux électeurs, aux responsables de partis politiques et à l'administration aussi. Merci. Un appel qui serait lancé aux candidats d'abord, c'est que la chance leur est donnée de ne pas blandir l'appartenance politique, parce que finalement, lorsqu'il s'agirait de planifier pour la communauté, la planification ne devrait pas nécessairement avoir la couleur du parti politique. C'est juste répondre aux besoins de la population locale. Donc, à ce niveau, si vraiment ils se présentent comme des candidats et qu'ils analysent objectivement la situation locale, ils peuvent apporter une solution par rapport aux problèmes qui se posent localement, sans tenir compte de l'exclusion qui souvent se présente lorsqu'il s'agit de manifester l'appartenance politique. Deuxièmement, c'est un avantage très important qui pourrait constituer un point de départ au niveau de l'unité, cette fois-ci, des habitants de cette colline. Parce que des fois, on entend qu'il y a des divergences qui sont nées à partir des divergences politiques, de vues politiques, mais non qu'ils peuvent planifier et finalement résoudre ces problèmes en écartant la priorisation, si vous voulez, de cette idée d'appartenance politique, finalement, au niveau de la colline, je me dis que c'est très rare que les habitants d'une même colline aient des besoins qui se rapportent aux idéaux politiques ou d'un parti ou d'un autre. Mmh. Mais s'ils ont des difficultés avec l'agriculture, comment ils doivent recevoir les semences sélectionnées? Comment ils doivent envoyer leurs enfants à l'école? Comment la vie, au point de vue santé, est traitée? Tout ça, c'est des questions de développement et qui finalement... Et qui se partagent. Exact. Mmh. Qui n'ont pas de limites politiques. Toute personne a besoin d'avoir ses services sociaux effectués convenablement sans tenir compte de l'une ou l'autre appartenance politique. Enfin, c'est que finalement, avec le temps, on pourrait aller vers l'oubli de la priorisation de l'appartenance politique lorsqu'il s'agit de parler développement et cohabitation sociale. Parce que finalement, si cette équipe qui se constitue au niveau de la base privilégie beaucoup plus les réponses aux questions locales, et que ces questions locales, comme nous venons de le dire, n'ont pas d'attachement au niveau des partis politiques, finalement, il y a lieu d'avoir une harmonie au niveau local et ils peuvent justement bâtir sur cela pour que ce soit une sorte de tremplin pour le développement de cette colline. Et il y a de l'espoir pour ça. Certainement. Il y a de l'espoir parce que chaque fois que les gens se mettent ensemble et discutent sur les questions communes, ils y trouvent des solutions communes. Il y a de l'espoir. De l'espoir chez vous aussi, monsieur Adrien Siwomana du Conseil national des Bashingandaï. Je ne doute vraiment pas. Il y a de l'espoir. Vous savez, j'ai parfois dit que les États, les nations peuvent être comparés à une personne humaine. Il y a un moment d'enfance, d'adolescence et de maturité. Pour moi, vraiment, le Burundi est en train d'approcher la maturité. C'est le moment ou jamais où il faut vraiment saisir notre maturité pour nous développer harmonieusement. J'allais peut-être réagir un peu à ce qu'il a dit à propos de la justice à Yokomugina. Honorable Léopold. Oui, honorable Léopold. Il y a les Bashingana qui sont appelés à faire la conciliation, la médiation. Il y a aussi dans la loi, selon la loi, les élus locaux. Dans l'ancienne constitution, je pense, celle d'avant 2005. 1992. Oui, 1992. Sur la colline, c'était prévu que les Bashingana étaient une instance judiciaire. Je dis bien une instance judiciaire parce que... À part entière. À part entière parce que s'il fallait aller à l'échelon suivant, c'est-à-dire tribunal de résidence, il fallait amener une copie de ce que les Bashingana ont fait. Maintenant, la question que se pose honorable Léopold est très simple. Il faut se référer à la Constitution qui précise qu'il y a la séparation des pouvoirs. Si on ramène l'instance judiciaire, qu'on la reconnaît au niveau de la colline, maintenant, il faudra trancher la question si les gens de l'administration, en l'occurrence les élus locaux, peuvent aussi être une instance judiciaire. Je crois qu'il y a un arbitrage à faire de ce côté. Il m'a bien compris, le juriste. Là, espérons aussi. Je vous remercie, M. Adrien Siwomana. Je rappelle que vous êtes président du Conseil national des Bashingandaï. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci beaucoup. Merci à vous, honorable Martin Niteletse. Vous êtes sénateur, président de l'association burundaise des élus locaux, ABELO en sigle. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, Rémi Habzalimana de la maison Lueur d'Espoir. Merci aussi de votre contribution. C'est moi qui vous remercie. Merci également. À vous, honorable Léopold Hakizimana du Parti CNL, merci d'être venu, merci d'avoir contribué à cette émission. Je dis merci, mais je dois vous dire que moi aussi j'ai de l'espoir, vous ne m'avez pas demandé de l'espoir. mon espoir est porté sur ça. Si j'entends les discours des dirigeants à plus haut niveau, qu'il s'agit qu'il faut de la paix un peu partout, j'espère qu'il suffit que le discours soit transmis en pratique la paix sera là. C'est ça mon espoir. Et justement, c'est par cet espoir que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Mise en onde par Eric Wimana, réalisation de Jérôme Nyonzima, prise d'image de Renaud Nyongheza et au micro, vous étiez avec Léonce Vitalio. Merci de nous avoir tenu compagnie et gardez l'écoute sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.